micro ouvert. Action, il faut... Donc la radio c'est bien, c'est anonyme, on ne voit pas, hein, et on n'est pas là pour faire une enquête, pour savoir, c'est pas ça. C'est plutôt le sens, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, c'est plutôt le sens que ça a, tout ça, qu'est-ce qui va se passer, pourquoi, comment? Alors qu'est-ce qui va se passer ce matin? Donc ici on va être une petite centaine de personnes qui sont réunies aujourd'hui sous le nom de Time for Climate, Time for People, et on va aller occuper la cour du Parlement fédéral pour y énoncer un appel à la rébellion sociale et climatique. Alors pourquoi cet appel? Parce que tout ce que fait le gouvernement, les différentes institutions belges, est largement insuffisant face au changement climatique. Il n'y a même plus besoin de le dire, tellement c'est une évidence. Les mesures, les rares mesures qu'il y a sont super en dessous des recommandations du GIEC. Et les recommandations du GIEC, ça peut paraître quelque chose de théorique, d'abstrait, d'accessoire. Mais en fait, la différence entre les recommandations du GIEC et ce que fait la Belgique, c'est au minimum 1,5 degré. Au pire, bien plus de degrés. Et en fait, la disparition d'écosystèmes entiers et en fait la catastrophe. Donc le coup, on va dire c'est un petit ou un grand coup de gueule. Alors c'est un grand coup de gueule parce que alors là c'est facile, le fait que la Belgique fait pas insuffisant, tout le monde le dit, donc là on crie avec tout le monde. Mais en fait surtout nous ce qu'on dénonce c'est que tant que le cadre politique et économique ne change pas, tant que le système ne change pas, aucune réponse ne sera à la hauteur. Tant qu'il y a des tant au niveau belge qu'au niveau international avec la COP, il y a des intérêts privés qui ont d'énormes intérêts, par exemple dans les énergies fossiles, qui ont leur mot à dire sur les solutions mises en place, qui ont leur mot à dire sur l'accord en train d'être négocié, comment il va être appliqué. Donc évidemment, tant que ces parties prenantes-là seront dans les discussions, il n'y a pas de solution à la hauteur qui sera là. Donc nous, l'appel en fait, il vise à augmenter la mobilisation de tout le monde, ici en Belgique, vu que c'est là qu'on est nous, pour changer de cap et pour que la Belgique, en l'occurrence, puisse prendre des mesures vraiment à la hauteur des enjeux. C'est un peu... Vous y croyez quoi en gros? Vous croyez que les choses peuvent changer comme ça alors que c'est quand même quelque chose d'énorme et que pour finir on sait tout ça, qu'on patine un peu sur du surplace et tout ça. Votre action, quoi, c'est... Vous y croyez quoi, j'ai envie de dire. Tu vois, je titille un peu quoi. Alors d'abord, je crois qu'on n'a pas le choix d'y croire. Sinon, on baisse les bras et on accepte sans avoir pris sur rien du tout. Surtout, ce en quoi je crois, c'est que la réponse, elle ne va pas venir d'en haut. Et donc la seule solution qui nous reste à nous, à toi, à moi, aux autres, c'est en fait s'organiser d'en bas et mettre la pression, déjà à nous-mêmes faire ce qu'on peut à notre niveau, mais aussi mettre la pression pour que les institutions politiques prennent des mesures radicales et pour que les criminels climatiques n'aient plus une telle place, un tel pouvoir dans les décisions qui concernent l'humanité entière. Et quoi, et mettre la pression, alors aujourd'hui, on peut quand même dire qu'on est à Bruxelles, hein ? Ouais. Vous allez mettre la pression, vous allez aller dans un endroit où normalement on ne peut pas s'y trouver, et vous allez lire un texte, et quoi Donc ce texte, donc aujourd'hui c'est symbolique d'aller là-bas, on va être sages comme des images, à part le fait qu'on ne peut pas être là, mais on va justement là parce que c'est le lieu de la voix des citoyens, c'est là que doit avoir le débat politique, et ce débat on va le bousculer, on va là pour le bousculer parce qu'il n'est pas à la hauteur. Maintenant, c'est pas évidemment, c'est pas en allant faire toc toc à la porte des parlements que tout va changer, mais dans cet appel, on invite les gens à aller, déjà à se réveiller, mais aussi à aller sur un site internet qui renvoie vers toute une autre série d'actions. En fait, on veut montrer en faisant ça que oui, on peut désobéir et oui, on peut agir et surtout on peut le faire ensemble. Donc c'est un peu, ok, on le fait, faites-le aussi, faisons-le tous ensemble. Ça veut pas dire que tout le monde doit désobéir. Ce serait très bien, mais je veux dire que chacun, parfois on a des privilèges aussi pour désobéir encore plus, donc en tout cas chacun doit agir et désobéir là où il peut désobéir, là où il ose désobéir. En fait on appelle même, dans l'absolu on appellerait même les parlementaires à se rebeller, les politiques à se rebeller. On est à un moment où tant les institutions que les personnes doivent prendre leurs responsabilités. Et donc ça veut dire fermer la porte à certains lobbies s'il le faut. Ça veut dire prendre des mesures radicales, quitte à être impopulaires. Mais ça veut aussi dire évidemment prendre en compte la justice sociale. Ça c'est la troisième chose pour laquelle on est là aujourd'hui. C'est pour dire qu'il n'y aura pas de justice climatique sans justice sociale. Et les Gilets jaunes, ça fait partie de ça. On partage cette même colère de... Parce que souvent avec les Gilets jaunes, il y a une espèce de... Les gens qui ne comprennent pas, il y a une coupure comme ça entre les Gilets jaunes qui veulent consommer, qui n'ont pas assez de pouvoir d'achat et les clients. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je trouve ça chouette de rassembler tout le monde, en fait, parce que c'est la même chose. Oui, et là, c'est trop facile de prendre des mesures... la fameuse exemple des assises sur le diesel. D'abord, mesure insuffisante comme le reste, mais en plus mesure injuste. Ça fait porter sur ceux qui contribuent le moins au changement climatique parce qu'ils ont le moins de pouvoir d'achat et tout simplement pas de thunes de porter le plus. C'est aux épaules les plus lourdes, les plus grosses épaules, aux plus grosses et aux plus responsables épaules de porter le poids de la transition. Donc ça va pas qu'ils continuent à avoir de l'évasion fiscale d'un côté, que ceux qui causent le plus de dommages, le plus de pollution, le plus de changement climatique s'en mettent plein les poches sans rien payer pour l'intérêt commun, alors que d'autres qui tout simplement essayent de revivre leur vie avec le peu qu'ils ont, se ramassent le poids de ces mesures-là. Et toi, oui, c'est anonyme, on ne sait pas qui tu es, mais toi, qu'est-ce que tu... Toi, tu es un individu qui se met avec d'autres individus, c'est ça ? Tu fais partie d'un collectif Bah donc, moi aussi, aujourd'hui, je suis en effet une individu qui répond avec d'autres individus à l'appel Act for Climate Justice, qui est lancé par d'autres individus, rassemblés certainement au collectif, et juste avant la COP, pour l'idée de pas se reposer sur la COP, parce que la COP, ça suffira pas. Et donc, le Act for Climate Justice, ils appellent à 10 jours de mobilisation, d'action, pour augmenter la pression, pour continuer à pointer les criminels climatiques. 10 jours, du 23 novembre au 2 décembre, truc de genre. Et quoi, ça veut dire que durant tout ce temps-là, il y a des actions ? Les gens sont bons ? Oui, il y a... Non, ils ne voyaient pas l'entrée. Okay. Attends. Sorry. Non, t'inquiète. En fait, ça va, si on va à l'intérieur. Comme tu veux, moi je te suis. On peut encore un peu parler, puis après je te laisse tranquille, hein, je veux dire. Comme si c'est juste que tu ferais. Et toi ? Bonjour. Donc voilà, on disait que ça allait 10 jours. Oui, donc 10 jours qui ont déjà commencé, hein, et il y a déjà une série d'actions qui ont été faites, en fait. Il y a, par exemple, hier, il y a un petit groupe qui a fait une ligne rouge humaine, à terre, au sol, donc des gens qui étaient habillés en rouge et qui étaient au sol, et qui ont encerclé toute l'entrée de Yatta, qui est une grosse compagnie, une grosse association de transport aérien, enfin de fédération de compagnies de transport aérien, quelque chose comme ça. Et donc où ils pointaient en particulier ça, quoi, le fait que le kérosène, il est exempt de taxes, que le transport aérien, c'est un illogisme total en termes d'empreinte carbone, tout ça. Donc là, ça visait un criminel climatique. Il y a eu plusieurs actions mains rouges, donc pour répondre à l'appel des Français qui disent de marquer les mains rouges la criminelle climatique, donc qui ont ciblé des banques, qui ont ciblé certainement des lobbies. Je n'ai pas la liste de tout ce qu'ils ont visé, mais si vous vous rendez sur le site actforclimatejustice.be, il y a toutes les actions qui ont lieu ou qui vont avoir lieu, qui sont recensées. Ok. Mais écoute, voilà, de toute façon, le micro, il va suivre, tu dis ? Je ne suis pas pressée, parce que j'ai un peu rentré, mais c'était surtout pour être plus discret. Mais le micro, il va suivre un peu alors ce mouvement de gens qui débarquent comme ça, et on en voit qui défilent, qui ne se connaissent pas forcément, et qui vont se mettre tous ensemble pour aujourd'hui, lire ce texte et montrer qu'on n'est pas d'accord avec toute cette politique, cette économie qui va ensemble. C'est quand même une chouette idée, hein. C'est vrai qu'au bout du bout, on se dit, oui, nous, petits citoyens, mais c'est vrai que si le nombre grandit, c'est la force du nombre, en fait. Et puis après, j'imagine qu'il y a des étapes, hein. Il y a une étape où on dit les choses, puis il y a une étape un peu où on va les secouer, puis une étape... Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Parce que c'est vrai que si ça tombe, ils font tout pour ne pas nous entendre non plus. Enfin, voilà. En effet, ce qu'on va faire aujourd'hui, je ne le ferai pas toute seule. À moins d'être vraiment désespérée. Parce que tout seul, c'est beaucoup plus risqué aussi. Enfin, c'est affronter seul la justice, c'est affronter seul la police, c'est désobéir seul. Donc c'est hyper important de le faire tous ensemble. Et en effet, aujourd'hui, c'est un premier pas. C'est pas le premier, parce qu'il y en a déjà eu 10 000. Mais en effet, ça appelle à tous monter d'un cran. Merci à toi. Allez. Je crois qu'on n'a plus rien à attendre des politiciens, donc voilà quoi. Depuis un moment, je me renseigne pas mal, je lis pas mal, et maintenant j'ai un petit peu envie de passer à l'action, quoi. Ben voilà, c'est plus efficace peut-être. Ben en tout cas, j'espère que ça aura un impact au moins minimum, quoi. Essayer de faire réveiller un peu les consciences, parce que ouais, on est clairement dans la merde, quoi. Et il est temps là. on n'a plus le choix, quoi. Et toi, le frère, hein, les gens le voient pas, mais c'est incroyable. Bah, vous êtes jumeaux, carrément. Et toi, alors, tu vas pas me dire tout pareil comme lui ? Un petit truc différent, quand même ? Ben, c'est clairement sous l'impulsion de mon frère que je suis venu ici. Il m'a réveillé ce matin, il m'a sorti du lit, et, Il m'a demandé est-ce que ça te dit de faire un acte de désobéissance civile à Bruxelles. Et bah, je me suis levé, je me suis allé, ouais. Pourquoi vous n'êtes pas de Bruxelles? Non, on n'est pas de Bruxelles. Ah, voilà. Côté de Wavre. Voilà. Ouais. Donc action, quoi, quelque part. Ouais, en avant, ça. On s'y met. Ça dit déjà beaucoup sur notre identité. Là. C'est l'argent. Oui, non, c'est vrai qu'on lit beaucoup, on se renseigne beaucoup via des journaux indépendants, via la littérature aussi, et maintenant on a envie de passer un petit peu à l'action. Je crois qu'on sait ce qu'il y a à savoir sur tout ça, hein. Il y a assez de lectures, internet, compagnie, donc maintenant c'est vraiment aller sur le terrain, quoi. C'est ça. Vous croyez qu'on peut changer les choses sur le terrain ? C'est un début, je ne sais pas si ça aura un impact très important sur le monde politique, mais je pense que c'est clairement l'agrégation de ce genre d'initiative qui va faire un moment que les lignes vont bouger. Bah oui. De toute façon, il n'y a pas le choix. Hein. Non. Soit on fait semblant de rien, on continue à vivre et on fonce dans le mur, soit on se dit, bon, ben, on fait quelque chose, quoi. C'est ça aussi, d'un point de vue personnel, je trouve ça assez... Enfin, moi, je me sens bien, là, aujourd'hui, parce que je me dis plus, il faudrait faire quelque chose, machin et tout, ben, je passe à l'action, et ça aide aussi, d'un point de vue personnel, quoi, à positiver, à se dire, allez, on va de l'avant et... On tente quelque chose, quoi. Mais ça voudrait dire aussi que ça craint, quoi, quelque part, puisque les choses ne changent pas. Donc maintenant, vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que maintenant, nous, les citoyens, on doit bouger nos fesses, quoi. Ouais, clairement. Moi, je pense qu'il est grand temps qu'on se réveille tous et qu'on passe à l'action. Ouais. Après, j'arrête, mais vous êtes jeune, la jeune génération, mais c'est comme s'il n'y avait pas d'avenir non plus, du coup, quoi. Genre, j'avais envie de dire, mais tiens, vous projetez comment dans le futur, vous? Ouais, on pense effondrement et tout ça, donc je pense pas qu'il n'y a pas d'avenir, mais il y en a un, il va probablement pas être facile, il va être, en tout cas dans mon imaginaire, ouais, il est assez sombre, mais ça laisse quand même des possibilités de moments heureux et aussi de rassemblement comme aujourd'hui, quoi. Alright, merci. Quelque chose à rajouter sur tout ça? Non? Non? Merci, hein. Bonjour les amis. Je suis un média gentil, hein. Donc je couvre un peu l'événement, mais pas comme la RTBF. Hein. Donc c'est anonyme, on ne voit pas, donc on est tranquille pour parler. Qu'est-ce que vous faites là, les amis? Moi, je ne fais pas beaucoup d'actions, mais je viens surtout pour aider le mouvement, parce que j'ai envie de faire passer un message clair aux politiques belges, aux politiques étrangères, et sensibiliser un maximum les gens qui se sentent un peu moins concernés par les problèmes climatiques, quoi. Les gens qui se sentent... Un peu moins concernés par les problèmes. Tu as envie que tout le monde se sente concerné, c'est ça que tu veux dire? Ouais, que ce genre d'action, que ce genre de message puisse réussir à toucher même les personnes qui se sentent moins concernées, quoi, qui font pas forcément attention, et qui en voyant des jeunes se mobiliser, ils se disent, je pourrais aussi le faire, quoi. On doit se bouger aussi tous, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Ah oui, alors moi je pense que évidemment la question climatique est centrale aujourd'hui. Le rapport du GIEC nous l'a encore rappelé récemment. Et il y a évidemment les actions individuelles qui sont essentielles. Hein. L'idée que consommer c'est voter c'est central, et je pense qu'il y a déjà beaucoup de mobilisation sur ces questions-là aujourd'hui. Et là ce qu'on veut montrer aujourd'hui c'est qu'en fait ça ne suffit plus. Ça ne suffit plus comme ça a été rappelé par le rapport du GIEC. Il faut une action collective, il faut une action politique. Et je pense que dans ce cadre-là, il faut être capable de monter d'un cran en termes de radicalité et de montrer à nos politiques qu'on veut du changement plus profond. Oui, c'est ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui. En tout cas, action, les gens, le groupe ici va sur le terrain, dans un lieu qui ne peut pas, pour clairement faire parler de lui et montrer qu'il est prêt à ne plus laisser faire, à ne pas laisser faire. Quoi. C'est ça un petit peu le message. Oui, tout à fait. Donc c'est l'idée que devant l'urgence de la situation, l'action individuelle ne suffit plus, il faut une action politique, et on veut montrer que la société civile est prête et demande aux politiques du changement radical et profond. Alors une question que je pose aussi, c'est quoi, vous êtes jeune, vous vous projetez comment dans le futur, puisque avec tout ce qu'on annonce, c'est la merde totale. Comment, je veux dire, c'est quoi vos études ou c'est quoi votre futur? Comment vous voyez les choses? Je suis tout juste diplômé et j'avoue que je ne me projette pas des masses, du coup. Pourquoi? Bon, à cause de tout ça? Bon, ce serait peut-être un peu exagéré de dire que c'est uniquement à cause de ça, mais j'imagine que ça contribue à un climat qui pose question quand on essaie de se projeter. C'est pas uniquement que ça? Parce que tu pourrais dire, hein, non, ouais, moi, avec, je vois comment ça fonctionne, ça ne... il y a besoin de s'inscrire dans rien du tout aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut vraiment combattre, quoi, genre... Bon, j'ai quand même un espoir qu'on sorte de cette crise climatique la tête haute et que l'humanité ne s'éteigne pas. Donc je pense qu'on peut quand même se projeter. Il ne faut pas être trop catastrophiste, à mon avis. Toi, tu penses que ça va s'en sortir, quoi? Je pense qu'il faut penser qu'on va s'en sortir, en tout cas. Toi? Il faut croire en ce qu'on fait, clairement. Mais il faut avancer pas à pas. Et ouais, donc si on se projette trop loin, on a trop les idées vagues. Donc step by step et... on avance lentement avec ce qu'on peut faire aujourd'hui, quoi. Mais quoi, tu te projetais comment, toi? C'est quoi ton futur? Ah, moi, je suis encore dans des études de kinésithérapie pour le moment. Et j'essaie de faire... Kiné, c'est plutôt... ouais, c'est un métier où on aide la personne, quoi. C'est pas... Tout à fait. On va... Ouais. Débriefer. Attendre 5 minutes le temps de revenir. Pas que vous arrivez par derrière. Et la sécurité privée, ça va des gens devant ces portes-là qui bloquent juste avec leur corps. Si jamais ils sortent, ça va rapidement en bas. C'est uniquement de se mettre comme ça et d'essayer un maximum d'empêcher. C'est un moment effectivement, ils font ou quoi. On lâche, mais en tout cas, ça ralentit et ça empêche le fait qu'ils disent ok, c'est une bonne idée de sortir de par là et ils ne tiennent pas le point. En bas, donc j'avais le plan en tête, il y a ces grands escaliers. La personne qui va parler, les deux personnes qui vont parler seront au pied des escaliers au milieu. L'idée c'est de se mettre sur le côté, de bien laisser le champ visible vers la personne. Et vraiment sur le côté devant les escaliers en gros. C'est l'escalier qui monte comme ça et de se mettre devant. 5 et 5, on est peut-être un peu plus. 5 et 5, on va répartir les rôles maintenant. Eux, si jamais. Vas-y, je t'en prie. Tu fais? Je suis en train de prendre la lumière. Pour? Pour les photos. Ok. Moi, je fais un petit reportage sonore sur. Bonjour. Okay. Et pour nous, comment ton prénom? Milou. Moi, c'est Frunch. Ok, je vais montrer ça. Il en faut un de chaque côté avec un drapeau comme ça qui se rasse. Deux personnes dans les escaliers. Toi et toi. Ok, vous serez donc en haut. Vous pouvez vous mettre peut-être le plus haut de ceux qui ont les banderoles. Voilà. Ça, c'est pas les compléments de la banderole. C'est toi le deuxième ou... Oui. Tu vas à gauche alors. Les autres qui ont ce panneau-là vont en bas, d'accord? Voilà. Et les jaunes et... Pardon ? Ici, à se situer, genre là, c'est... Ouais. Excellente idée. Ouais. Donc ici, nous avons la potiche. Ouais. On a la potiche et les escaliers, donc on va le faire en real life, people. Deux devant. Ni devant, ni derrière. Ça va, vous avez compris ? Non, pas encore. Pour les quatre... Ouais. Donc on a le côté B et le côté A. Les quatre personnes qui tiennent la grande, juste la grande, hein, pas les autres, pas vous. La grande banderole. Grande banderole. Vous vous mettez ici, devant. Côté B, côté A. Côté B, côté A. La grande banderole, ici, par deux. C'est vous quatre. Côté B, ok. Ok, donc deux se mettent par là. On dit que ça, c'est la grande potiche. Et deux ici. Vous avez la grande banderole à vous quatre. Excellent. Alors, vous êtes en bas. Vous êtes sur l'escalier. Vous êtes sur l'escalier, je vous propose d'aller réellement sur la... Si vous êtes sur les escaliers, allez réellement sur les petites marches, comme ça on visualise super bien. Ok. 1, 2, 3, 4. Tu n'as pas ta banderole, toi? Ouais, vas-y, mets-la. Tu n'as pas ta banderole. Attention, on va... donc, 3. Et ceux de devant? Les autres, vous êtes devant? Alors, il faudrait que Hill, non pardon, Act for Climate and Social Justice descend et jaune et vert descend. Voilà. Eh, mais c'est bon, c'est ça, c'est exactement ça. Bravo, excellente répétition générale. Donc c'est clair pour tout le monde. Ça c'est B et ça c'est A. Non, ouais. Non, non. Attends, quoi? Si, si. Vous, tous ceux qui sont de ce côté-là, sur le côté B. Ok, ça va. Vous suivez Yann dans la rue. Tous ceux de ce côté-ci sont le côté A. Vous suivez Pauline dans la rue. Et vous quatre, vous suivez Yann dans la rue, mais donc vous deux, vous savez que vous êtes de ce côté-ci. Avec les A, du coup. Oui. Okay. Il y a une chanson, là. Ouais. Vous voyez c'est de quoi il s'agit, la chanson? La première, je la connais pas, donc ce sera une surprise. D'accord. Et l'autre? Ouais, celle-là, je la connais. Et c'est quoi? Solid as a rock, solid as a rock, rooted as a tree, rooted as a tree. We are here, we are here, standing strong, standing strong, in the rightful place. Ça veut dire, en français, c'est quoi le message? Alors, on est solide comme la pierre, le rocher, on est enraciné comme les arbres, et on est ici, fort, au bon endroit. Au bon endroit, ouais. On va entendre ça en cœur, alors. Ça va, à fond. Et au fond, pourquoi vous êtes là, vous? C'est quoi la motivation première, la grosse, la principale? Mais c'est parce qu'on a l'impression de faire, enfin, c'est agir pour le climat, on a l'impression de faire tellement beaucoup et que pour finir, les politiques ne nous suivent pas, alors à un moment, il faut le dire, quoi. Il faut parler. Il faut agir, quoi. Oui, il faut des actions. C'est ça. Les négociations climatiques n'ont pas d'effet, donc c'est notre responsabilité de se bouger aussi. On ne peut pas attendre les politiques pour qu'ils fassent ce qui est nécessaire. Voilà. Merci. Ça va? Ça roule? Ouais, trop bien, ouais. On est chaud là. C'est prêt? Ça va? Prête? Oui, oui. Action, c'était d'abord dans la tête et tout, parce que je parle évidemment à quelqu'un qui organise ici. C'est dans la tête et maintenant, ça y est, c'est dans le concret. Oui. Bah oui, en fait, comme on est très... chacun a ses responsabilités, ça va, c'est une machine qui roule bien, quoi. C'est génial, il y a du monde, là. Ouais, il y a du monde, c'est hyper cool. Donc, ça roule, ça marche quand même d'appeler, de faire un appel, il y a du monde, quoi. Ouais, ouais, ouais. Puis on a... Enfin, comme c'est beaucoup de travail de réflexion, d'idées et tout ça, c'est en fait assez... ça soulage de voir que tout est bien en place, là, tout se met en route, donc c'est plutôt rassurant. Tu crois qu'on va se faire arrêter ou pas? Franchement, c'est pas sûr. Bah, a priori, oui, mais en même temps, c'est pas bien méchant, donc c'est surtout symbolique, donc il y a des chances qu'on soit pas arrêté. Moi, ça m'arrangerait bien, en tout cas. Moi, je suis de la radio. On dirait que toi, tu as un... Le soir, moi. Ah, voilà. Tu prends en note, ça fait vraiment penser à ça, tu vois, tout de suite. Ouais, bah, c'est ce que je suis, donc. Bah oui, mais c'était pas sûr. Ouais, c'est pas noté sur ta veste, quoi, ouais, tu vois. C'est bon. Donc le soir s'intéresse à la question, quoi. Bah, on a été mis au courant, en tout cas. Ouais. Et tu vas aller aussi être enfermé, tu vas aussi t'enfermer. Bah, je vais, oui, je vais. Non, suivre. Tu vas partir au bon moment. Voilà, je compte suivre jusqu'au bout. Donc tu seras peut-être enfermé alors. Moi j'ai mon accréditation. Tu crois que ça marche quand on l'en... Ah. C'est ce qu'on va dire, du cas. Ou pas? Ou pas? Non, moi c'est plus, j'ai pas d'accréditation, je suis média libre, donc voilà, okay. Tu vois, je... Ah, je de l'RTB, parce qu'on m'a dit que l'RTB fêtait là. Non, c'est pas moi. Okay. Mais elle sera là, mais plutôt là-bas, elle. Pas ici. We'll flood the streets with justice, we are freedom bound. Ok. Et pour ceux qui seraient moins calés en anglais, ça veut dire on a été tellement loin, on ne va pas faire demi-tour, on va remplir les rues de justice, on est liés à la liberté. D'accord? Ok? Donc, je fais la première phrase, vous répétez? We have come so far. We have come so far. We won't turn around. We won't turn around. We'll flood the streets with justice. We'll flood the streets with justice. We are freedom bound. We are freedom bound. Est-ce que vous êtes prêts à faire deux phrases à la fois? We have come so far, we won't turn around. We have come so far, we won't turn around. We'll flood the streets with justice, we are freedom bound. We'll flood the streets with justice, we are freedom bound. On a le temps de le faire une fois en entier ou bien on se casse? Allez, on le fait encore une fois en entier. Du coup, on peut le faire tous ensemble. Donc, 1, 2, 3. We have come so far, we won't turn around. We'll flood the streets with justice, we are freedom bound. Sa feuille pour la home base. Oui, magnifique, vous êtes magnifique, super. Merci. Pas toi, super. On va faire juste un petit test pour les mic check. Donc comme ça vous voyez déjà c'est quoi les phrases qu'on va dire. Ce sera après la déclaration du coup. Ouais, après la déclaration néerlandais, si on a encore le temps. Et donc on fera moitié français, moitié néerlandais. Donc de temps en temps je prendrai, vous me suivez et puis Hall continue. Donc, je dis une partie de phrase, vous la répétez, je dis la prochaine, vous la répétez. On est ici parce que... On est ici parce que... On refuse un système dévorant et toxique. On refuse un système dévorant et toxique. Basé sur la croissance, les inégalités et le profit. Basé sur la croissance, les inégalités et le profit. Voilà. Alors, une COP qui brillera par son insuffisance. Une COP qui brillera par son insuffisance. Ok, encore. Tu veux voir les... Les actions on fait encore un en français et puis en néerlandais. Les actions individuelles. Les actions individuelles. Les déclarations. Les déclarations. Les demi-mesures. Les demi-mesures. Ça ne suffit plus. Ça ne suffit plus. C'est le système même. C'est le système même. Qui doit changer. Qui doit changer. Ça, je vais faire une fois. Ouais. Alors. We gaan in het Nederlands proberen nu. Hey! Mais tu dis mic check, hein, c'est ça, il faut que les gens. Seulement, c'est ce que c'est qu'un mic check en fait. Quand ils vont crier mic check, on répète mic check. Et après, on recommence à suivre ce qu'ils disent. C'est le signal de départ. Vous voulez qu'on fasse à chaque fois un mic check avant chaque phrase? On fait une fois au début, c'est bon, hein. Ouais. Ok. Mic check. Mic check. Gele hesjes. Gele hesjes. Rode of groene jassen. Rode. Witte overal. Witte overal. Zwarte KW. Zwarte KW. Met of zonder etiket. Met of zonder etiket. De acties. De acties. En het verzet. En het verzet. Blijven groeien. Blijven groeien. Je peux les tous en avant. Voor ons. Voor ons. Voor onze kinderen. Voor onze kinderen. Voor alle toekomstige generaties. Voor alle toekomstige generaties. Want... Want we hebben nog de keuze. Alors, on a encore d'autres. On part dans 5 grosses minutes. Je vous demande de rester groupé près de votre guide touristique qui est donc pour le groupe B et pour le groupe A. Et donc soyez très attentifs, ces personnes donnent le signal. Ça va? Ça va être bien. Ça va être bien. Allez vous habiller. Vous avez peur, je vois. Vous avez peur. Non, super. Ça va aussi. Ça va, vous avez pas trop peur? Non, pas du tout. Je suis confiant. Vous? Vous avez la pétoche? Pardon, je parle pas. Ah, mais moi. Un peu. Ouais, mais moi je pas. Merci. Ok, mais ça va. Qu'est-ce que vous faites là alors? On vient faire ce qu'on appelle une action de désobéissance civile pour ouvrir une fenêtre médiatique sur nos messages qui sont que maintenant l'enjeu climatique est plus un problème qui se règle individuellement mais c'est un problème qui doit se régler politiquement et donc on est là pour faire pression sur les politiques et appeler à la diversification des modes d'action et des modes de résistance par rapport à cette politique qui marche droit dans le mur. Quoi, c'est la première fois pour toi ? Comme ça, oui, c'est la première fois, ouais. C'est bien, hein, voilà. Ça donne vraiment un... Ben, c'est clairement un mouvement très jeune, là. Et on a, hop, action, quoi. Et toi, alors ? Moi aussi, c'est la première fois. Action, quoi. Action, ouais. Fini les blabla, allez, action. Oui. Et pour moi c'est... je suis flamand. Le truc, c'est que je vois souvent des... Tu parles super bien français. Bah ouais, mon père est français aussi. Ah, mais... C'est classe, ça. Moi, je parle pas du tout flamand. Hein. C'est qu'il y a pas beaucoup de flamands qui font des actions, en fait. Tu veux dire en Flandre ? Non, ici, à Bruxelles, je vois toujours que c'est des Français. Et c'est pas tellement des flamands. Et en fait, moi, je demande à mes potes de venir avec moi, mais ils ont pas vraiment envie, donc... Et pourquoi ? Je sais pas, peut-être qu'ils ont peur ou ouais, je sais pas. Ou qu'ils s'en foutent du climat. Peut-être, ouais. T'as des copains comme ça ? Non. pas du tout. Non. Et une dernière question, parce que moi ça m'intéresse, hein, je suis plus vieille que vous. Mais tiens, comment vous vous projetez, vous, la jeunesse, avec tout ce qu'on entend là ? Comment se projeter, quoi ? Ou bien c'est pas possible, et c'est pour ça en plus que vous êtes dans la rue là maintenant ? Les différentes actions dernièrement et en général. L'impact qu'ont les manifestations et tout me fait devenir un peu pessimiste par rapport au réel impact qu'on va. Mais je suis sûr qu'à force de crier, le mouvement devient de plus en plus grand. Il y a une énorme manif qui se fait le 2 décembre. À force de résister et de multiplier les formes de résistance, on peut arriver à quelque chose. Et on va dire, dans le futur long, je suis assez optimiste sur un changement du système politique et un changement de politique environnementale en général. Chouette, ça. Ouais, mais c'est bien. Et toi ? Moi, c'est surtout parce que je vois rien changer, en fait. Mais tu comprends ma question, c'est pas la première, hein. C'est pas la même que la première. Non, c'est non. Comment se projeter quand on est jeune, comme ça, tu sais, se projeter dans le futur, alors qu'en fait, le futur, bah, on annonce que des problèmes, quoi. Moi, je pense que c'est important de penser dans le futur, parce que... on veut pas vivre dans une vie qui... Comment dire ça en français ? Mais t'arrives à ta vie, t'arrives à te projeter dans un futur. Avec, tu sais, l'effondrement, la fin du monde, le climat, c'est le chaos, le travail, il n'y en a pas pour tout le monde. Tu vois ce que je veux dire ? Tout ça, t'arrives à... C'est quoi ta formation, toi ? Parce qu'on est tous obligés d'aller à l'école, c'est quoi... Dans quoi tu te projettes ? Ouais, c'est le travail social. Ouais. Donc, c'est surtout pour les gens, pour les civils, quoi, que je fais ça aussi, surtout. Je pense à les autres, et... ouais. Ouais, t'es plus en lien avec la personne humaine, ouais, du coup. Oui, surtout. Ouais. C'est vrai que là, il y aura du travail, à mon avis. Ouais, c'est ça. Merci, hein. Hey ! Allô ? Vous parlez français ? Oui. Je rigole, c'est parce que la fille, là, elle parle pas français. Et moi, je parle pas flamand, donc voilà. Tu sais me dire qu'est-ce que tu fais là ? Bah, a priori. Pourquoi ? Je suis là parce que, voilà, quand même, le climat, je pense, ça parle à tout le monde. Ça, peu importe ta classe sociale, ça te parle et ça nous concerne tous. Après, bon, je suis aussi là aussi parce qu'on m'a demandé en tant que cadreur. Donc voilà, c'est un peu pour le travail et aussi pour la cause quand même. Quoi. Par conviction, quoi. Il y a la conviction derrière, c'est certain. Ouais. Et tiens, comment tu fais pour te projeter ? Parce qu'on voit comme ça, c'est quand même un mouvement vachement jeune, quoi, hein ? Non ? C'est un mouvement jeune, mais je pense que c'est un mouvement qui concerne tous les êtres vivants. De toute façon, peu importe l'âge, que ça soit même les gens de la police qui vont peut-être nous arrêter aujourd'hui. Au final, ça les concerne eux et leurs enfants aussi. Donc au final... Oui, c'est sûr. Mais je veux dire, là, maintenant, on est un jour de semaine, les gens travaillent. C'est une réalité aussi. Il y a plein de jeunes, c'est la galère. J'ai compris qu'il y avait des jeunes qui étaient au chômage. Enfin voilà, maintenant, allons dans la rue. Et je me disais, mais tiens, mais toi, t'es peut-être plus complètement jeune. Comment se projeter dans un futur avec tout ce qu'on annonce et lalali et lalala. Comment se projeter dans un futur avec tout ce qu'on annonce ? Je pense que de toute façon, le futur, personne ne le connaît, donc il va falloir se jeter dedans et avec les bonnes convictions, les bonnes idées. Et après... Mais tu vois, on pourrait dire tout le monde s'en fout, de toute façon, c'est la fin, c'est le chaos, et on n'est même pas ici. C'est quand même un mouvement, en parlant un peu avec les gens, qui espère changer les choses, vraiment, quoi. C'est un mouvement qui espère changer les choses. Je pense que les gens ne sont pas là pour rien et que voilà, les gens se rendent compte qu'au final, des paroles c'est bien, des actes c'est mieux. Quoi. Merci à toi. Merci à vous. Hello, ça va ? Ouais. Ah oui, mais c'est toi tantôt qui voulais pas parler, excuse-moi. Hein. On va au Parlement, là. On va tous au Parlement, alors. Hein il paraît, oui, absolument. Ouais. Voilà. Bah, c'est comme ça, on parle. Hein. Bah voilà, mais c'est très bien. Et qu'est-ce que vous faites là, vous, alors? Vous n'êtes pas au cours? Vous ne travaillez pas? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous... Non, on s'est arrangé pour ne pas travailler et pas avoir cours aujourd'hui parce qu'on pense que la mobilisation d'aujourd'hui est quand même plus importante. Ah oui. Et pourquoi vous pensez que c'est plus important? Parce qu'on est à un moment clé des enjeux climatiques, à un moment où les gouvernements, notamment occidentaux et notamment belges, font quand même pas grand-chose en dehors des déclarations. Et donc on pense que c'est important que la population se mobilise à ce moment-là pour remettre les priorités dans l'ordre et remettre l'intérêt général au top de ça. Quoi, c'est une première fois que vous avez... Parce que c'est un peu un acte de désobéissance civile, là. C'est la première fois? C'est votre première fois? Moi, c'est pas la première fois. Moi, c'est la première fois, ouais. Et ça fait quoi dans le ventre? Bah, je pense que c'est important, donc je doute pas, c'est juste... Tu ne doutes pas, c'est-à-dire? Je comprends pas quand tu dis tu ne doutes pas, quoi. Bah, non, mais je pense que c'est important, donc je suis même pas vraiment stressée. Je pense qu'on va juste aller au bout des choses, espérer que... Ça va bien se passer, mais... Bah oui, ça va bien se passer, hein. De toute façon. Est-ce que tu as le sentiment de faire quelque chose de mal? Non. Tu vois, on va dans un endroit où justement se discutent les choses habituellement, oui. Au Parlement. C'est bah, tu vois, il y a... Oui. C'est vrai. Merci à vous. Hein. Avec ça va, j'ai vu que tu avais une patte cassée. Oui. À cause de quoi? Je me suis fait mal avec une vitre. Ah ouais, tu t'es fait la vitre? Ah bah dis donc, elles sont méchantes les vitres chez toi. Ouais, hein. Non, elles sont pas cool. Et je peux vous poser 2-3 questions, c'est anonyme, on vous voit pas, c'est pour la radio. C'est pour quoi comme radio? C'est Radio Alternative qui s'appelle, c'est une émission qui s'appelle Micro Ouvert et qui est diffusée sur Radio Campus Bruxelles, Radio Panique, via un site internet qui s'appelle microouvert.be et sur 50 groupes Facebook. Après, je mettrai toutes les infos à ceux qui organisent pour retrouver tout ce son, en fait. Bah, moi, ça dépend des questions, mais... Bah, en gros, c'est qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que tu fais là? Moi... Ça va, la question? Ouais, ça va, nickel. Je pense que ça part d'une envie... En fait, je pense que ce type d'action, en tout cas de désobéissance civile, montre réellement l'urgence qu'il y a et qu'on n'est plus dans un moment où on peut attendre, où on peut apprendre à faire du zéro déchet et faire du vélo pour aller au boulot ou quelque chose comme ça. Et voilà, moi, je trouve que c'est vraiment ce type d'action qui symbolise vraiment l'urgence et que, voilà, moi, ce qui me tient à cœur de venir à cette action. Après, comme ça a été dit à la Réunion aussi, c'est aussi une action qui appelle... d'autres actions en fait qui vont venir par la suite et que voilà, j'espère que ça va avoir un poids quelque part en tout cas Tu crois qu'on peut encore changer les choses? Parce que comme je vois, c'est quand même pas mal jeune ici, il y a pas mal de jeunes hein. La question que j'avais envie de poser, c'est comment on fait pour se projeter quand on est jeune comme ça dans ce monde où on annonce que des choses horribles au fond, hein. Si t'es vraiment bien informé, c'est quand même la cata. Comment tu fais pour te projeter? Est-ce que tu crois qu'on peut encore changer tout ça? Bah, comment est-ce que tu vois les choses, quoi? Ouais. Je pense, sinon je crois que je serais pas ici si dans ma tête il n'y avait plus du tout le moyen de changer les choses. Et moi j'ai l'impression de voir quand même autour de moi pas mal de personnes qui commencent à se poser plein de questions avec le monde qui les entoure. Ouais. Et voilà, je crois qu'il y a un peu d'espoir. Après, est-ce que ça n'a pas été le défi de chaque génération aussi qui... Peut-être je me trompe, mais je pense qu'en tout cas, chaque génération a eu ses défis, a eu un avenir très noir qu'on leur présentait aussi, et que chaque génération a essayé de bouger un peu à sa manière, et c'est un peu dans cette continuité-là. Après, est-ce qu'un jour, on vivra vraiment dans un monde merveilleux, très beau Je ne sais pas, mais autant essayer, parce que si on ne fait rien, finalement, on a déjà perdu aussi. Donc, Oui, évidemment. Et tiens, tu brosses les cours, alors, ou quelque chose comme ça ou... Moi j'avais cours aujourd'hui, mais à l'UNIF c'est pas trop obligatoire du coup. Ok, d'accord. Voilà. Merci à toi. Hein. Je peux aussi? T'es pas obligé, hein, franchement. Bon, c'est un peu la même question. Qu'est-ce que tu fais là? Vous êtes ensemble? Vous êtes amis? Non. Ah voilà. Je suis là comme ça, enfin voilà. Mais donc je viens parce que j'ai espoir de changer le monde dans lequel je vis. J'ai envie que ça bouge, j'en ai un peu marre que ça reste, enfin qu'on dise des belles choses et puis que ça bouge pas. Et voilà, j'ai du temps maintenant, je travaille à mi-temps, et donc je me dis, ben voilà, autant que ce temps soit rentabilisé de manière utile. C'est génial, c'est génial la démarche, quoi. Ben voilà, enfin, je préfère être... c'est quelque chose qui pour moi est important, et donc ben, si c'est important pour moi, autant que je me bouge, voilà. Oui, maintenant c'est un peu arrivé, maintenant action, quoi, non? Voilà, ça exactement. Aussi. Peut-être. Fini les blabla, on sait tout ce qu'il y a à savoir, action. Voilà, ouais. C'est ça, de ne pas juste rester là et d'attendre, de regarder ça bêtement, que les choses passent et quoi, et il ne se passera jamais rien. J'ai commencé petit à petit à croire que bah, si on voulait que les choses bougent, bah, il fallait se bouger, et donc c'est pour ça que je me bouge. Quoi, déçu du politique, déçu de ce monde qui dirige Non, pas spécialement déçu, enfin... C'est, pour moi, c'est quelque chose qui est assez immuable. Enfin, ça a toujours été un peu comme ça. Après, j'ai quand même espoir qu'ils peuvent changer les choses. Il faut juste peut-être leur dire que ben, c'est, si on vote pour eux, c'est pour qu'ils soient là et qu'ils nous représentent. C'est à eux de prendre les décisions. Donc, ben, voilà, c'est un peu pour leur rappeler, peut-être. C'est sympa, ça, de leur rappeler. Et une dernière question. Comment tu te projettes, toi aussi, alors, tu vois, comment tu te projettes dans un futur? Est-ce que, tu sais, avec tout ce qu'on entend sur le climat, l'économie, Bah, j'espère que ça change, c'est pour ça que je bouge aussi, pour que, justement, ça reste pas comme ça, comme on, que là, les scénarios qui sont donnés sont peut-être un peu noirs, mais peut-être aussi pour nous faire bouger, et que j'espère qu'en bougeant, bah, ça va améliorer, quoi. Voilà. Bah, merci à toi. Donc là, on est dans la rue de Louvain. Tu chantes super bien, hein, juste. Hein. Oui, c'est vrai. Bravo. C'est vrai. Tu chantes quoi? Un tout petit peu. Alors, c'est chouette, il pleut pas. Hein? Il faut pas parler trop vite, on sait jamais tout ce qu'il faut. Non, mais déjà là, regarde, c'est agréable, quoi, tu vois. C'est plus agréable que sous la pluie, quand même. Hein. Et il fait clair. Et moi, avec mon matos, je suis à l'aise, là, tu vois, parce que s'il pleuvait... Il fait clair. Alors, à cette saison, il pourrait faire tout. Yeah. T'as un peu quoi? J'ai un peu les boules ce matin, on est sorti de la maison. Oui, il pleuvait des gueules. Il crachait. On était là en train de discuter avec une grosse chaussure ou pas. Et j'ai vu la pluie dehors, je Bon, je peux, je vous ai toujours, non, je, hein, parce que des fois, non, je t'ai pas encore vu. Est-ce que je peux te poser 2-3 questions? Elle est prête, elle a préparé des réponses. Allez. Non, mais c'est super gentil, c'est vraiment genre, qu'est-ce que vous faites là, au fond? Ok, mais... Non, t'es pas obligée. Hein. Non, après, si je dis n'importe quoi, t'es pas obligée de le garder. Non, je garde, je vais pas, justement, je garde tout ce que disent les gens. Je fais pas du montage. Mais... Moi, je suis là à la base parce que je savais juste que c'était une action liée à la justice climatique et au fait de dénoncer les criminels du climat. Donc, j'en savais pas plus à la base. Et après, donc, je suis venue pour ça parce que pour moi, c'est super important, oui, de sensibiliser à la question climatique, mais maintenant aussi de pointer du doigt qui sont les vrais responsables et de pas tout le temps insister sur ce qu'on peut faire en tant que citoyen, mais aussi d'insister sur qui au final peuvent prendre les décisions. Oui. Ça y est, on est devant le Parlement, on rentre, on franchit les grilles. Oh putain. On n'a pas été assez vite, quoi. Attends. Ouais, ça n'a pas été assez vite. Merde, j'aurais dû me mettre devant. Ouais, si tu veux filmer, ouais. Non, c'est pas filmer, c'est prendre le son. Ouais, ouais. C'est pas ça, hein, monsieur, arrêtez, hein, y a quelque chose de chouette qui se passe, là. Vous connaissez le climat? Vous êtes au courant de ce qui se passe? Dit is een actie van 10 minuten gewoon even. Ik doe niet moeilijk, gewoon mijn job. Nee, maar we willen gewoon een actie doen van 10 minuten. We gaan niks misdoen. We gaan gewoon even binnen. Al de rest is al binnen, dus op zich. Il y a rien de grave qui se passe. Ah, c'est bête. On aurait dû être devant. Moi, je suis déçu, moi. On est 5, quoi. Bon, allez, il y a pas moyen, hein? c'est la radio. Je prends le son. Ah, ok, ouais. Je vous en prie. Mais pourquoi les autres ne viennent pas par ici? Je ne comprends pas. Ah, ils sont restés bloqués. Oui. Parce qu'on refuse un système dévorant et toxique, basé sur la croissance, les inégalités et le profit. C'est un système entretenu par une minorité, mais qui fait payer la facture aux plus pauvres et aux plus fragiles, alors que les vrais responsables continuent à détruire en toute impunité. Nous sommes à quelques jours d'une COP qui brillera par son insuffisance. En Belgique, comme partout dans le monde, l'inaction reste la principale caractéristique de toute politique menée face au dérèglement climatique. Les actions individuelles, les déclarations, les demi-mesures, ça ne suffit plus. Ce qu'il faut, c'est changer le système en profondeur. Et justement, notre gouvernement n'est qu'un pion dans un système économique destructeur qui rend impossible un futur juste et durable. Alors, face à ça, la rébellion, c'est non seulement un droit, mais aussi un devoir. Les gilets jaunes, vestes vertes, vestes rouges, combis blanches, caouets noirs, avec ou sans étiquette, des actions et des résistances se mettent en place et c'est génial. Nous sommes ici, aujourd'hui, pour affirmer que nous sommes prêts et prêtes à prendre nos responsabilités là où nos gouvernements n'assument plus les leurs. Nous sommes prêts et prêtes à agir pour contraindre nos responsables politiques à abandonner le système du tout-profit et à prendre les mesures radicales qui s'imposent. Dimanche 2 décembre, nous serons des dizaines de milliers à manifester dans les rues de Bruxelles. Nous invitons toutes celles et ceux qui se reconnaissent dans cet appel à agir avec leurs moyens, à leur échelle. Nous appelons à réunir différentes formes de résistance, à rejoindre ou soutenir les appels à manifester, à occuper, à bloquer, pour la justice climatique, pour la justice sociale, pour nous, pour nos enfants et pour toutes les générations futures. Parce que on a encore le temps. Et on a encore le choix. Donc là, on est dans la cour du Parlement. Il y a les banderoles et puis tous les gens qui sont là, qui se tiennent bras dessus, bras dessous. Et sur la banderole, il est écrit « Jaune et vert et même colère ». Ça donne une belle image. Maintenant en flamand, traduction en flamand. We zijn bang van die afgrond waar we op afstevenen. We zijn bang voor onze ecosystemen en onze sociale banden. Maar we zijn hier ook omdat we woedend zijn op een regering. Een regering die onze gebrekkige maatregelen voorstelt. En die maatregelen die daarboven ook de sociale ongelijkheden vergroten. We zijn hier omdat we ons verzetten tegen een alles verslinden. Een giftig systeem, gebaseerd op groei, op ongelijkheid en op winst. Een systeem dat is opgezet door een minderheid, maar de rekening systematisch doorschuift naar de meest kwetsbaren. Terwijl de echte verantwoordelijken ongestraft verder gaan met het vernielen van de planeet. We zijn enkele dagen verwijderd van een COP, die zal uitblinken in gebrekkigheid. Onze overheid is een pion in een economisch systeem dat een rechtvaardige en duurzame toekomst voor onze planeet en voor alle mensen onmogelijk maakt. In dit geval is verzet een recht. En meer dan een recht, het is een plicht. Gele hesjes, rode of groene jassen, witte overal, zwarte KW, met of zonder etiket, de acties en het verzet blijven groeien. In België, zoals in de rest van de wereld, wordt het klimaatbeleid voornamelijk gekenmerkt door een gebrek aan daadkracht. Er gebeurt niks. Individuele verandering, mooie verklaringen en halve maatregelen zijn niet langer voldoende. Het is het systeem zelf dat moet veranderen. We zijn hier om te laten weten dat we onze verantwoordelijkheid zullen nemen ten opzichte van een regering die dit niet doet. We zijn klaar om in actie te komen. Om de politieke leiders te dwingen af te zien van hun enkel op winst gericht systeem en de nodige radicale maatregelen te nemen. Op zondag 2 december zullen we met tienduizenden en meer in de straten van Brussel komen. Daarbij nodigen wij iedereen uit die zich in deze oproep herkent om in de komende weken en maanden binnen haar of zijn mogelijkheden acties te ondernemen. Daarom roepen we iedereen ook uit om de krachten te bundelen. De betogingen, blokkades, bezettingen voor klimaat en sociale rechtvaardigheid te ondersteunen. We doen dit voor ons, voor onze kinderen, voor alle toekomstige generaties. Want nu, vandaag, hebben we nog de keuze. Mic check. Mic check. On est ici parce que... On est ici parce que... On refuse un système dévorant et toxique. On refuse un système dévorant et toxique. Basé sur la croissance, les inégalités et le profit. Une COP qui brillera par son insuffisance. Les actions individuelles. Les déclarations. Les demi-mesures. Ça ne suffit plus. C'est le système même qui doit changer. Gele hesjes. Rode of groene jassen. Witte overal. Zwarte KW. Met of zonder etiket. De acties. En het verzet. Blijven groeien. Un système économique, qui rend impossible, un futur juste et durable. Abandonner, le système du tout profit. Prendre nos responsabilités, face à un gouvernement, qui n'assume plus les siennes. Pour nous. Voor onze kinderen. Voor alle toekomstige generaties. Nous serons des dizaines de milliers. Dans les rues de Bruxelles. Nous appelons. À réunir différentes formes de résistance. À soutenir et rejoindre les appels à manifester. À bloquer. Occuper. Pour la justice climatique. Et pour la justice sociale. Want vandaag. Hebben we nog. Die keuze. Pour nous. Pour nos enfants. Pour toutes les générations futures. Parce que. On a encore le choix. We have gone so far, we won't turn around. We flood the streets with justice, we are freedom bound.

C'est pour la radio, on voit pas, c'est anonyme. Vous aussi, vous avez chaud pour le climat? Pas de commentaire. Vous aussi, vous avez chaud? On est dans le pex, mevrouw? Non, c'est juste... On est dans le pex. Vous avez une carte de pex, vous pouvez la voir? Ok, arrêtez alors. Mais c'est la radio, hein? Oui, arrêtez. On ne voit pas, il n'y a pas d'image. Non, ça ne m'intéresse pas. Je stoppe. Vous êtes de la presse? Non. Alternative. Vous n'avez pas le droit. Vous pouvez attendre là avec le reste. Ouais, ils sont pas marrants, les bonhommes à casquette, hein. Ils sont vraiment pas marrants. Ils sont pas marrants. Ah ben non, vraiment pas, du... Vous êtes beaux, yeah. Vous êtes belles. Ça va, vous allez bien? Oui, très bien. Vous êtes aussi du... Oui. Je vous ai pas vu depuis le début, moi. Pardon? Je ne vous ai pas vu depuis le début. C'est parce que j'envoie des photos en direct. Ah, voilà. Oui. Le live Facebook? Oui, pas Facebook, j'envoie via WhatsApp. Ok, d'accord. Oui, des photos, pas vidéo, ok. Et ça va, ça se passe? Ça se passe. Belle photo, comme un belles images, non? Ben, j'ai un mauvais appareil. Hein. Ah, j'ai ouais. J'ai acheté le dernier iPhone. Donc, oui, mais juste déjà comme ça, ça donne une belle image, non? Oui, tout à fait. Tu sais un peu décrire, comme ça, c'est pas moi qui le fais. Qu'est-ce que tu vois? De quoi? Qu'est-ce que tu vois? Ben, je vois un drapeau belge qui fait la gueule, qui est enroulé sur lui-même. Il a peur, il a honte. Le drapeau européen commence à s'entortiller méchamment. Et voilà, je vois surtout ce ici toutes les personnes qui sont là. Là, je vois une petite centaine de personnes motivées et qui a un message très important à faire passer. Et je pense qu'il est urgent, comme ils le disent. Hein. No, c'est écrit 6 fois, no. C'est maintenant. Maintenant, exactement. En anglais. En anglais, oui. Ceux qui ne connaissent pas l'anglais. Oui, mais hein? Comme c'est international, hein, le changement climatique ne s'arrête pas aux portières de la Belgique. Bien sûr, il faut connaître l'anglais, du coup. Oui, il faut connaître l'anglais, oui. Ou un bon traducteur, ou une traductrice. Oui, on avait pensé à l'espéranto, mais malheureusement, il n'y a que quelques petits cercles qui le maîtrisent, donc... Regarde, on fait l'événement et c'est bête, hein. On chante des chansons, on fait rien de méchant. Et quoi, on va être... Il va y avoir un embarquement ou pas? Ou quelqu'un sait? Ah voilà. En fait, tous les gens qui sont là sont prêts à se faire arrêter en soi. C'était prévu quoi, dans le package. Que s'ils font ça, ils prennent des risques. Mais nous, l'idée, c'est qu'on dit on est prêt à être contrôlé, mais on va essayer d'éviter d'être embarqué, quoi, c'est tout. Oui, c'est surtout ridicule d'être embarqué. C'est vraiment une perte. Enfin, pourquoi, oui, comment J'ai signalé à l'entrée qu'on était prêt à partir maintenant de notre gré. Ils ont refusé. Ils ont dit non, vous restez ici. C'est pour ça qu'on continue. Ah, okay, on continue. Voilà. Parce qu'ils nous laissent pas sortir. Ouais, ils veulent peut-être savoir quoi, comment, ou un petit peu nous. Non. Mais je comprends. En gros, ça les dépasse un petit peu. Donc, ils ont appelé d'autres autorités pour voir un peu ce qui devait se passer. En attendant, ils nous enferment ici. Okay. Merci pour les infos. Mais c'est marrant, là, on est vraiment comme dans un zoo, hein. Il y a des grilles comme dans un zoo au Parlement. Hein. Donc voilà, il y a une négociation et c'est pour ça que ça... On continue à chanter les chansons qu'on connaît, hein. À ton avis, on fait des paris? Tu mises combien pour qu'on sorte sans problème, ou bien on doit passer par la case cellule? Ça fait bien longtemps que je ne joue plus à des paris depuis que j'étais endettée triplement. Donc, d'accord. C'est un problème personnel duquel je ne parlerai pas ce soir. D'accord. À nos auditeurs. On n'est pas le soir là. Non, bien sûr. Et ou sinon, on est fait perturbant. Ouais, on est qui, hein. Il est midi oui. Quart. Ah oui, tout à fait. Ah, on est en direct là. Oui. Non, on n'est pas en direct, mais on se fait comme si c'était du direct. Il n'y aura pas de montage. D'accord, ok. Bon, eh bien, belle écoute à vous, chers amis. Non, mais qu'est-ce que tu crois qu'on va se faire embarquer ou pas par la police? Bon. En fait, tout dépend de ce que nos négociateurs avec la police ont dans la culotte, quoi. Ah ouais? Tu crois que ça dépend de ça? Je crois que ça peut dépendre. Tu crois que ça dépend pas simplement d'un. De comment dire, du pouvoir qui se dit, oh ben c'est pas. J'ai déjà vu des très bons négociateurs avec la police qui ont réussi à faire sortir tout le monde. Mais il faut des gens avec beaucoup de psychologie et je ne les connais pas, donc je ne sais pas dans quelle mesure ils ont le charisme. Voilà, pour nous faire tous sortir et qu'on aille boire un petit godet. Oh, ce serait bien ça. Okay. Ben, s'il y a quelque chose, on attend la police. Donc on attend la police parce qu'en fait aussi il y a un mot qui a été envoyé, si j'ai bien compris, au Sénat et à la Chambre pour savoir s'ils vont porter plainte parce qu'on est dans la zone neutre. Et donc, en fonction de cette réponse aussi, l'action de la police sera différente, si j'ai bien tout compris. Et donc, en attendant, la police va arriver d'ici 10 minutes. Ils prennent leur temps parce qu'ils leur ont dit, voilà, non, c'est juste un petit groupe pacifiste, non violent, il n'y a pas d'urgence. Il a dit lui-même, on a bien vu que vous n'étiez pas violent, etc. Donc, vous devez juste rester là en attendant la police. Moi, je lui ai dit, écoutez, si vous nous laissez partir maintenant, on sort de notre plein gré, etc. Il n'y a pas de problème. Il a dit non, je dois attendre la police maintenant parce que ça ne dépend plus que de moi. C'est bien les gens, même à travers la vie. On fait l'attraction, quoi. Ah ! Bon, allez, négociez bien. Je peux vous poser une question ? Hein ? Pas tout de suite, s'il vous plaît. On va enlever les vestes. Ouais, mais pourquoi vous enlevez les vestes ? C'est une bonne question. Non, ça, pardon, excuse-moi. Désolé. On vous reconnaît plus comme média du coup. Ouais. Non, bah, du coup, ça vaut le coup de pas avoir une carte de presse. Hein. Pourquoi tu dis ça? Parce que tous ceux qui ont une carte de presse sont dehors là. Tous ceux qui en tiennent une, ah oui, on les a mis dehors. Ouais. Ouais, mais c'est bizarre, pourquoi vous enlevez? Je comprends pas, pourquoi. Je sais pas. Ça sert à rien quand on n'a pas la carte de presse. Donc ça sert à rien, et donc il n'y a aucune raison, ça peut juste... Confus. Ouais, c'est juste plus amener le problème. Bon, donc voilà, il y a trois fourgonnettes de la police qui sont arrivées. Trois? Ouais. Trois, c'est des fourgonnettes dans lesquelles on peut arrêter des gens, enfin surtout une en fait, les deux autres non. Donc ils n'ont pas encore déployé le grand dispositif, ils arrivent petit à petit. Je ne sais pas ce qui se négocie. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, donc il y a une négociatrice avec la police dehors. Et ils disent qu'ils vont nous arrêter tous, et elle pense qu'ils vont le faire. J'ai pas envie. Tu vois les bus. J'ai pas envie de passer mon après-midi. Je déteste la police. Non mais je... Zut. Et pour... alors elle pense qu'ils vont le faire. Je peux poser une question, peut-être qui est dérangeante, parce que c'est bizarre. Il y a les médias sans carte de presse. Qui avait un petit habit orange comme toi, pourquoi on leur a enlevé habit avec noté médias dessus? Le chef de la police militaire dit que c'est interdit par la Convention de Genève d'avoir une carte de presse. Il faut une carte de presse, pas un gilet de presse. Pas un gilet. Il faut une carte de presse pour prendre pour être ici. Ouais. C'est ça, juste pour être dans l'enceinte alors. Dans la zone neutre. Non, eux ils disent que tu peux pas te présenter comme presse si tu n'es pas vraiment un journaliste. C'est pour ça que c'est dans la Convention de Genève par rapport au conflit. Sinon, en fait, tous les soldats mettraient des gilets de presse. Donc, c'est pour ça que c'est interdit de ne porter gilet de presse si vous n'avez pas en même temps une carte de presse. Ok. Et ce que je ne comprends pas non plus, c'est pourquoi ceux qui ont la carte de presse, donc les journaleux, sont dehors de la grille et pas dedans alors? Ça, moi, j'avoue que je ne sais pas. Ils les ont sortis. Mais c'est ça. Donc, à mon avis, on leur a dit, écoutez, si vous restez ici, la police va arriver, vous risquez quelque chose. Et donc, à mon avis, ils ont eu peur et ils sont sortis. Mais après, il faudra aller leur demander. Je ne sais pas ce qui a été négocié avec eux. Mais je crois qu'ils ont vraiment essayé d'obstruer les images. Hein. Ils sont mis devant comme ça.

our freedom bound. We have come so far, we won't turn around. We've left the street with justice, we are freedom bound. We are freedom bound. We have come so far, we won't turn around. We fight the same justice, we are freedom bound. actforclimatejustice.be. Je kan ons ook op de live Facebook terugvinden als u wenst, die op dezelfde naam Act for Climate Justice nu aan het draaien is. Oké, nous avons une petite annonce de la police. Donc ils nous proposent quelque chose. Ils nous proposent qu'on se rassemble ici pour discuter de leur proposition. Attends, attends, pardon. C'est qui va discuter? La proposition ici que fait la police qui arrive en nombre, c'est qu'ils sont prêts à ne pas nous arrêter. Mais ils veulent nous identifier. Donc, ils font la profession qu'ils sont prêts à ne pas nous arrêter, mais ils veulent nous identifier. Pour ça, leur proposition, et pour, parce que Jokbrik voulait rester ensemble, qu'on se mette tous en ligne le long du mur là-bas. Ils vont prendre nos cartes d'identité une à une et prendre en photo tout le monde. C'est leur proposition pour le moment. Voilà, la question c'est est-ce qu'on accepte ça ou pas? Ce qui ne nous empêche pas de chanter. Hein? Oui, après on a tout déjà filmé. Quoi? D'autres bagnards, ouais. C'est plus facile. Moi je dis on fourse les gars. Ouais. Qu'est-ce que ça implique? Dans tous les cas, ils vont nous identifier s'ils nous arrêtent ou pas. Ok, bah du coup, qu'est-ce qu'on renvoie aux négociateurs? On peut dire qu'on serait prêt, mais effectivement, pas de photos, vu qu'il n'y a pas de raison, vu qu'ils ont déjà nos cartes d'identité avec nos photos. Ouais. Moi, je me demande aussi, est-ce qu'on doit aller se mettre devant le mur là-bas chez eux, ou est-ce qu'on peut se mettre juste ici devant? C'est une photo des cartes d'identité. Quoi? Ok. Qu'on en finisse et qu'on aille boire un pot, et qu'on fasse une super. Enfin, qu'on discute. Sur la proposition. Ouais, en fait, comme ça, ça envoie. Sur la proposition de dire, ok, mais la ligne, elle est ici, et sans photo. Les gens, mais juste contre la quantité. De quoi qui pour faire flipper les gens? Tu dis prendre les photos de chaque personne. Bah oui, on en a déjà une sur notre carte d'identité. Ouais, ouais. Oui, c'est ça. Alors, tu peux décrire ce que tu vois? Comme ça, c'est pas que moi. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 flics en. 10 flics en. Habillés en. En habit de flic en bleu. En habit de flic un peu. En bleu. Non, en bleu. Vraiment en habit de flic. En bleu. Qui négociaient, mais. Je sais pas s'ils se sont mis d'accord du coup sur la ligne devant le Parlement et pas sur le côté. Ouais, ouais, ouais. Bon bah ça, c'est plutôt gentil là pour le moment, hein. Hein, il y a pas de... Pour le moment, tout se passe bien. Okay. On est dans nos plans. Alors, on est content, on a pu adresser notre message. Merci, messieurs les policiers. On propose, c'est effectivement de mettre en ligne ici. Donc, nos propositions. Alors, vous nous laissez 2 minutes, s'il vous plaît, pour qu'on donne les consignes à tout le monde. Non, monsieur, écoutez, si ça se passe dans le calme, tout le monde préférera. Vous nous laissez 2 minutes, je donne les consignes à tout le monde pour que ça se passe dans le calme et la sérénité. Ce sera plus facile pour tout le monde. On a 2 minutes, on vient d'avoir un accord avec vous, on est tout en ligne. Et pour pouvoir nous contrôler convenablement sans désordre, il n'y a pas de souci, on va le faire. On ne se fait pas ici, monsieur, le contrôle se fait là-bas. Se fait là-même, c'est comme ça. On va se mettre ici, on va nous accompagner un à un. On vient d'avoir un accord là-dessus, on n'a pas de souci. Voilà. Bon, voilà, la proposition est de se mettre en ligne ici, on vient chercher un par un. Ces messieurs. Donc chacun peut préparer sa carte d'identité. Solid as a rock, rooted as a tree, rooted as a tree. We are here. Ça va être une belle photo, ça. Standing strong. Solid as a rock, rooted as a tree. Allez, un petit mot chacun, un petit mot en passant. Yeah. Donc, un à un, la police fait sortir, c'est ça, hein, ouais. Chaque personne avec sa carte d'identité. On est obligé d'être un parent. Va toi avec ton... We are here. Va trop froid. Non. Madame, s'il vous plaît. Quels sont tes rapports avec la police habituellement ? Conflictuel. Bon, que ça se passe bien, qu'on te retrouve après pour boire un verre. Hein. Ouais. D'accord ? Je vais essayer. Bonjour. Que ça se passe bien. Mademoiselle. Madame. Vous attendez votre tour. Ah bah on est occupé à me mettre dehors. Il y a quelqu'un qui m'a mis dehors. Allez. Hey. Oh. Il faut pas monter la. Mais je fais pas monter absolument rien. Je suis là. À mon avis, ça les dérange que j'ai simplement un micro. C'est pas chouette que tu me dises que je fais rien. Je suis un peu stressée. Je fais rien. Excuse-moi. Désolée. Parce que je suis en tant que médiatrice. Voilà. Vous avez votre carte d'identité quand même ? Oui. Parfait. C'est tout ce qui compte ici. Bah oui. Oh, je suis trop contente de ne pas être embarquée, moi. Ah, moi aussi. Parce que je déteste, tu vois, être là. Je vais parce que je pars à Cuba, tout le monde me disait, putain, mais tu fais ça, et tu prends le risque de te faire embarquer et tout. Ah, moi, en fait. Non, mais là, il n'y a pas de danger, attends. Tu n'as rien fait de méchant, quoi. Merci, hein. Bah non, merci à vous, c'est super chouette. Je suis indépendante, hein. Ah bien. Et donc je vais faire toute une grosse émission là-dessus et je donnerai les références aux organisateurs. Il y a une chouette énergie. Ouais, merci, c'était super. Ah vous aussi, mais ouais. vous aussi. Plus heureux que c'est pas. Exactement. Et vous, c'est la RTBF alors ? Ouais. C'est vous le caméraman de ça ? Non, c'est Jérémy, mon collègue. Ah, il est pas là. Mais vous êtes journaliste. Ouais, c'est ça. Et quoi, ça vous raconte quoi ici, ça ? Ça vous raconte quoi tout ça ? Bon, on va expliquer. C'est la routine ou ? Ils sont là ? Non, c'est pas du tout la routine. Hein. Ouais, excusez-moi. Oui, Jean-Paul. L'action se termine ici. Il n'y a pas d'arrestation. Il y a juste des identifications des gens. On fait la photo de la carte d'identité, on les identifie. Mais donc pour 13h, ça sera fini. Hein. Ça sera vide. Hein. Si tu veux que je sois dans les titres. Ah oui, tout à fait, non, tout à fait. Ils ont rentré, ils ont fait leur petit discours, ils sont restés quasi une heure, plus environ une heure. Donc non, c'est bien, mais ça sera fini. Ne t'attends pas à voir derrière moi du grabuge, quoi. Il y a eu zéro grabuge. Zéro grabuge. Ça va. 13h07, 13h08. À tout à l'heure. Ciao. C'est du jamais vu, hein, ça. Oui, c'est vrai. En zone neutre. En zone neutre, mais pire, en plein milieu du Parlement, enfin, c'est fort. Mais quoi. En même temps, c'est pas bien méchant, vous êtes d'accord avec moi, hein. Pas bien méchant dans quel... Ah, vous enregistrez là. Oui. C'est pour bah, sinon je mettrais pas mon micro comme ça. Ah mais j'ai pas... Non mais c'était pas très clair. Je pensais que c'était une discussion normale. C'est pour qui? Ah une discussion normale avec l'autre qui fait comme ça. Mais non, hein, les... Ah non non. De toute façon c'est anonyme, on voit non, pas. C'est pour qui? C'est un média libre. C'est comment il s'appelle comment? Ça s'appelle Micro Ouvert l'émission et c'est diffusé sur Campus Radio Campus Panique, 50 groupes du réseau social et un site internet qui s'appelle Micro Ouvert. C'est important de savoir pour qui on parle. Et quoi, vous voulez ou pas? Oui, bah c'était quoi qu'on disait? Que c'était inédit, c'est ça? Bah c'est pas... Oui, c'est quasi inédit. J'ai pas souvenir d'avoir vu un truc pareil ici. Moi, je vous disais que c'était pas bien méchant et vous me disiez oui... Bah c'est pas bien méchant, effectivement. Ça a été pacifique, mais c'est quand même pas tous les jours qu'on rentre à l'intérieur du Parlement pour une action sans concertation avec les responsables ici du Parlement. La sécurité, habituellement... Enfin, de façon générale, la sécurité, elle est prise très au sérieux ici. Il faut être badgé, etc. Il faut montrer le badge partout où on va. Et donc voilà, ils ont joué sur l'effet de nombre. C'est objectivement bien joué de la part des activistes. Et donc voilà, là, ça se termine correctement, de façon assez propre, sans grand voilà, hein, et voilà, le message est passé. Le message est passé, je pense, ouais. Et vous, vous travaillez au journal le soir? Non, c'est l'RTBF. L'RTBF, et quoi, vous allez... C'est vous qui couvrez un petit peu, si je comprends bien, l'événement. Vous allez faire ça comment? On va faire un direct à 13h. Où je vais raconter ce qui s'est passé. Et j'ai un petit extrait d'une porte-parole qui explique les raisons pour lesquelles ils ont choisi cet endroit-là et la raison même de cette action ici. Voilà, tout simplement. Et maintenant, ça, c'est déjà vraiment très subjectif, très personnel. Ça vous botte un truc comme ça, un sujet comme ça, ou bien vous... sans plus Ça me botte pas, mais ça me non-botte pas, si je peux dire. Enfin, c'est pas une question de beauté ici, c'est... Oui, mais est-ce que vous trouvez ça bien? Vous trouvez ça n'importe quoi? Vous trouvez... Je trouve pas ça n'importe quoi, je trouve pas ça spécialement bien. C'est une action d'un groupe qui veut faire entendre sa voix, c'est très bien pour eux. Mais je vais pas me donner un avis sur leur raison d'être ou est-ce qu'ils ont raison de faire ça. Moi, je... Ah oui, vous êtes objectif à l'RTB, c'est vrai. Hein. C'est pas une question d'objectivité, c'est juste qu'on ne va pas féliciter ou... Ah ben moi, je suis un média et je trouve ça génial que ça se fasse. C'est très bien pour vous. Comme vous disiez au début, c'est un peu... c'est pas tous les jours qu'il y a des gens qui sont... Effectivement, et factuellement, ça n'arrive pas souvent, ce genre d'histoire-là. Parce que vous n'avez pas des groupes qui, comme ça, réfléchissent et pensent à faire ça et à agir. Voilà, après, je n'ai pas besoin de dire si c'est bien ou pas. Leur but, c'était de bousculer le débat, comme ils disent eux-mêmes. Je pense qu'ils ont réussi, en tout cas, qu'on parle d'eux, ça c'est sûr, et à évoquer l'urgence et l'importance qu'eux estiment qu'il existe par rapport au réchauffement climatique. Ouais, c'est super marrant. Après, j'arrête, je rejoins ma bande, mais vous parlez comme si c'était en dehors de vous-même, quoi. Comme si l'histoire du climat et tout ce qui allait avec, c'était en dehors de vous-même. Ici, c'est pas une question d'être en dehors de moi-même ou pas, c'est que... Ils ont fait... Enfin, ça nous concerne tous maintenant, non, ces histoires? D'accord, mais je suis pas manifestant et je suis pas avec eux, je suis pas contre eux non plus. Je prends une position d'observateur. Ouais, objectivité, c'est vrai, le journal. Je suis politologue de formation, donc on essaie de faire attention. Merci. Hein. Qu'est-ce qui se passe alors? On va par là-bas. Tout le monde peut y aller. Et voilà, c'est terminé. Sans heurts, sans embarquement.